franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un retour comme un boomerang, celui de la torture durant la guerre d'Algérie qui au début des années 2000 fait la une des médias du pays près de 40 ans après la fin des combats. Il faut dire que ce conflit dans l'ancienne colonie française est autant un sujet d'histoire qu'un sujet d'actualité. En France, on a mis du temps à qualifier de guerre ces 8 années pendant lesquelles on a envoyé soldats et appelé à réprimer les volontés d'indépendance de l'Algérie. Et depuis 50 ans, cette guerre n'a jamais quitté notre mémoire. On la retrouve dans les livres, des romans, des films, des documentaires, comme des feux mal éteints. Des deux côtés de la Méditerranée, l'histoire et la mémoire de ces temps troublés s'écrivent sous la plume des historiens et par la voix des militants, des combattants, des généraux, des pieds noirs, des harkis. Peu à peu, les archives s'ouvrent et la parole se libère. À partir de juin 2000, le travail de mémoire semble s'accélérer. À la suite d'un article publié dans Le Monde, la guerre d'Algérie et le souvenir des crimes de l'armée française deviennent source de débats et s'invitent à l'Assemblée ou en prime time à la télé. 2 années où l'histoire ricoche, radote, telle une journée sans fin. En quelques mois, la torture en Algérie devient l'héritage de tous avec son lot de questions. Qu'aurais-je fait à la place des soldats? La torture était-elle une dérive de quelques-uns ou était-ce un système? Enfin, la France doit-elle et peut-elle reconnaître ses crimes? Pour en parler après le récit, nous recevrons en seconde partie la journaliste Florence Baugé, ancienne journaliste au Monde. Elle est à l'origine justement de ce retour médiatique de la torture. Elle y est revenue dans son livre intitulé « Algérie, une guerre sans gloire » publié il y a 10 ans. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Léa Dupuy-Henquin et Lucille Valéry. Programmation musicale Muriel Pérez. Comédien Philippe Pierrard et Cécile Ribocayol. Réalisation Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Jean-Noël Végan. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Dans cette immense prison surpeuplée, dont chaque cellule abrite une souffrance, parler de soi est comme une indécence. Au rez-de-chaussée, c'est la division des condamnés à mort. Ils sont là, 80, les chevilles enchaînées, qui attendent leur grâce ou leur fin. Et c'est à leur rythme que nous vivons tous. Pas un détenu qui ne se retourne le soir sur sa paillasse, à l'idée que l'aube peut être sinistre, qui ne s'endort sans souhaiter de toute sa force qu'il ne se passe rien. Mais c'est pourtant de leur quartier que montent chaque jour les chants interdits, les chants magnifiques qui jaillissent toujours du cœur des peuples en lutte pour leur liberté. Les tortures. Depuis longtemps, le mot nous est à tous devenu familier. Rares sont ici ceux qui y ont échappé. Des nuits entières, durant un mois, j'ai entendu hurler des hommes que l'on torturait, et leurs cris résonnent pour toujours dans ma mémoire. J'ai vu des prisonniers jetés à coups de matraque d'un étage à l'autre, et qui, hébétés par la torture et les coups, ne savaient plus que murmurer en arabe les premières paroles d'une ancienne prière. Ces mots forts et indispensables, ce sont les premiers mots du livre intitulé « La question » d'Henri Alleg. Cet homme est arrêté le 12 juin 1957 par les parachutistes français. Journaliste communiste, favorable à l'indépendance, il était le directeur du seul journal d'opposition interdit dès septembre 1955. La torture, oh, il s'y attendait. Depuis des années, dans les bureaux de son journal, il avait entendu parler de la torture par ceux qui l'avaient subie. Arme qui fracture les consciences et les corps, la torture est aussi avant tout une arme de masse dont on laisse échapper les cris pour faire peur. Dès son arrestation, Henri Alleg est prêt. Il connaît la panoplie des sévices. Le supplice de l'eau, l'électricité, les coups. Après un mois d'interrogatoire, il est envoyé au camp de Lodi, puis à la prison de Barberousse. Ce sont ces mots sur une petite feuille qui le sauveront de la mort. C'est son ami avocat, Léo Matarasso, qui lui conseille d'écrire. Alors chaque jour, il s'y emploie. Sur 3 ou 4 feuilles d'écolier, il raconte de façon concise, brève, sans emphase, ses jours où il a été un prisonnier parmi d'autres, pris dans les filets des bourreaux français. Le soir, il prétexte une note d'information pour son avocat. Les geôliers lisent les premiers mots. « Cher maître, voilà les compléments. et ils transmettent à qui de droit. Après quelques lignes, pourtant, ce sont bien les cris des centres de torture qu'on lit. La question sort le 12 février 1958. Quatre semaines plus tard, le jeudi 27 mars, il est interdit. Publié à l'étranger, le livre devient clandestin. On se le passe sous le manteau pour réveiller les consciences et dénoncer les crimes de l'armée française en Algérie. Certes, la torture en Algérie n'a jamais quitté l'espace public. Des journalistes en parlent, dès les premiers mois de l'insurrection, comme Claude Bourdet, qui publie dans l'Observateur en 1955 un article au titre sans détour, « La Gestapo d'Algérie ». D'Alger à Paris, la torture a traversé toute la guerre. En mars 1962, après plus de 7 années de conflit, un cessez-le-feu est signé. Le 5 juillet, l'Algérie célèbre son premier jour d'indépendance. La guerre est finie, mais son souvenir ressurgit dans le flux des informations, de façon parfois soudaine et éphémère, autour d'un reportage ou d'une commémoration. 4 ans après la fin des combats, dans un reportage de 5 colonnes à la Une, une jeune fille qui a vécu à Alger se souvient des cris qu'elle entendait. Oh, il me semble que c'était un long cauchemar qu'on a vécu et qu'on est sorti du néant, quoi. Qu'on remonte à la surface, si l'on peut dire. Avant, quand on était à la Casbah, c'est ce qu'on entendait surtout. C'est ce qui m'a beaucoup touchée, c'était un centre de torture qui était juste à côté de chez nous, enfin qui était à proximité. Et juste après le couvre-feu, on entendait les hurlements, les cris, enfin. Cris inhumains même. La mémoire d'un événement est comme le naufrage d'un bateau. Année après année, les souvenirs de la guerre d'Algérie s'engouffrent dans les cales, passent d'un sas à l'autre. Alors il en faut du temps pour explorer chaque partie de ces épaves qui dorment au fond de notre mémoire collective. Bien. Mais pourquoi replonger en ces temps malheureux? Doit-on le faire au risque d'ouvrir de nouveau les plaies? Malgré les livres, les films et les confidences télévisuelles ou radiophoniques, les violences et les crimes de l'armée française en Algérie jouent encore les seconds rôles, restent bloqués derrière d'autres souvenirs, d'autres événements de la guerre. Mais un jour, sans crier gare, elle ressurgit. Le 20 juin 2000, en Une du Monde, on peut lire ces mots extraits d'un article de Florence Baugé intitulé « Torturée par l'armée française en Algérie, Lila recherche l'homme qui l'a sauvée ». J'étais allongée nue. Toujours nu. Il pouvait venir une, deux ou trois fois par jour. Dès que j'entendais le bruit de leurs bottes dans le couloir, je me mettais à trembler. Ensuite, le temps devenait interminable. Les minutes me paraissaient des heures, et les heures des jours. Le plus dur, c'est de tenir les premiers jours, de s'habituer à la douleur. Après, on se détache mentalement, un peu comme si le corps se mettait à flotter. Ma sue était brutale, infecte. Bijar n'était pas mieux, mais le pire, c'était Gardiani. Lui était innommable. C'était un pervers qui prenait plaisir à torturer. Ce n'étaient pas des êtres humains. J'ai souvent hurlé à Bijar, « Vous n'êtes pas un homme si vous ne m'achevez pas. » Et lui me répondait en ricanant, « Pas encore. » Pendant ces 3 mois, je n'ai eu qu'un but, me suicider. Mais la pire des souffrances, c'est de vouloir à tout prix se supprimer. Et de ne pas en trouver les moyens. Quand Louisette, alias Lila, est capturée, elle a 20 ans. Sa vie, elle la doit à un homme dont elle ne connaît que le nom, Richaud. Le retrouvera-t-elle? Et comment réagiront les plus hautes autorités de l'armée et l'État devant les mots des survivants de la guerre, des torturés, des tortionnaires? Quelles sont les raisons du retour à la surface de ces spectres algériens? Samedi 17 juin 2000, Paris. Alors que le président algérien Abdelaziz Bouteflika quitte la France, après 3 jours de visite officielle et que les bureaux du journal Le Monde se vident, Florence Baugé écrit son article autour de l'histoire de Louisette Iggy Larise, puis le dépose au service informatique avec comme simple mot « à lire quand vous aurez un peu de temps ». Du temps. Il en a fallu pour que l'histoire de Louisette se fraye un chemin jusqu'en France. 20 ans auparavant, le 5 septembre 1980, sa sœur envoie une lettre d'Alger pour le journaliste André Baugé au 5 rue des Italiens, où siège le journal Le Monde, enfin où il siégeait. À la lecture d'un article, elle avait cru que reconnaître, derrière le nom d'un journaliste, un officier qu'elle avait rencontré au début des années 50. Alors, comme on jette une bouteille à la mer, elle lui avait écrit pour lui parler de sa sœur et de ses recherches pour retrouver le soldat qu'il avait sauvé des mains des tortionnaires français. Après quelques rebondissements, la lettre atterrit dans les mains de Florence Baugé, qui vient de rentrer au Monde, au desk Maghreb. En avril 2000, lors d'un second voyage, la journaliste retrouve Louisette. Elle découvre une petite dame à la peau claire avec de larges lunettes et une canne toujours présente à ses côtés. Cette canne, elle lui rappelle ce jour de septembre 57, où prise dans une embuscade de l'armée française, elle avait reçu une rafale de mitraillettes sur toute la partie droite de son corps. Après avoir été soignée à l'hôpital, elle est transférée à la 10e division de parachutistes du général Massu. Rencontre après rencontre, Louisette décrit son parcours, ses 3 mois de torture, son viol, sans en prononcer le mot. Sans magnétophone, la journaliste prend note et décide de l'aider à retrouver le soldat qui l'a sauvé. Mais rien n'y fait, Richaud est introuvable. Alors, elle propose à Louisette d'écrire un article dans Le Monde pour raconter son histoire et lancer un appel pour retrouver cet homme. Le 17 juin, l'article est écrit. 3 jours plus tard, il est à la une. Parmi les souvenirs de Louisette, il y a le nom de ses tortionnaires, dont 2 anciennes gloires de l'armée française, les généraux Massu et Bijard. Si le général Bijard réfute ces accusations, sur les ondes de France Inter, le général Massu, lui, dit ne pas se souvenir de Louisette, mais il confirme l'existence de la torture, comme il l'avait déjà fait d'ailleurs en 1971 dans son livre intitulé « La vraie bataille d'Alger ». C'est pas moi qui les ai inventées, les tortures. Hein. Elles m'ont été demandées par les autorités civiles. Je ne vais pas donner leur nom, mais c'était tous des ministres du gouvernement socialiste de M. Guimollet. On m'a demandé d'aller très vite, le plus vite possible, étant donné le mal que faisaient les félagas dans Alger même, leur campagne de bombes qui tuait beaucoup d'innocents. Il fallait y aller, à partir du moment où il faut y aller, bon ben, s'ils ne voulaient pas parler alors qu'on avait toutes les raisons de penser qu'ils étaient coupables, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On était obligé de les secouer un peu. Je regrette évidemment, je regrette qu'ils soient allés à ce point-là. Le lendemain, dans les colonnes du Monde, les confessions des 2 généraux se poursuivent. Marcel Bijard réfute de nouveau tout en bloc. Le général Massu va plus loin. Pour lui, la torture n'était pas indispensable. Il regrette son usage, on vient de l'entendre. En plus de cette confidence, Florence Bauger interroge les 2 généraux sur Richaud. Un nom qui ne dit rien à Bijard. À l'inverse de Massu, qui lui dit « Oui, c'était un bon ami, un homme de grande qualité, un humaniste. » Grâce au général Massu, Louisette connaît désormais le nom de son sauveur. Il s'appelle Francis Richaud, c'était le médecin-chef de la 10e division de parachutistes d'intervention. Mort en 1997, elle ne pourra jamais le remercier. Mais sans l'avoir prédit, son témoignage libère la parole et les souvenirs d'anciens militants indépendantistes et d'appelés ou d'officiers qui vivent encore avec ce poids du souvenir de ces jours où ils ont été témoins ou victimes d'actes de torture. Le 31 octobre 2000, dans les pages de l'Humanité, 12 personnes, dont le journaliste Henri Allègue, demandent au président de la République et au Premier ministre de condamner la pratique de la torture par une déclaration publique. 4 jours plus tard, le Premier ministre salue l'appel et encourage au nécessaire travail de vérité. Pirouette diplomatique pour éviter de rouvrir les plaies mal cicatrisées de la guerre. Ce travail de vérité, les journalistes du Monde le poursuivent, eux, avec la publication de plusieurs nouveaux entretiens. Le 9 novembre, Florence Bauger raconte l'histoire de Mohamed Garn, né d'un viol, le 19 avril 1960. Sa mère avait 15 ans quand, dans un village de regroupement sous commandement français, après avoir été torturée, elle est victime d'un viol collectif. Malgré sa grossesse, les sévices et les tortures se poursuivront. Le 11 novembre, dans les colonnes du journal, ce sont des appelés officiers de l'armée française que la parole est donnée. Le regard change alors de camp. Des victimes, on passe au camp des bourreaux et de leurs témoins. Au fil du récit de ces 3 anciens soldats, on redécouvre des expressions oubliées. Corvée de bois, baignoire, gégène. Derrière chaque mot se cache en fait un crime. Les corvées de bois sont ces moments où l'on emmène un prisonnier chercher du bois. À l'abri des regards, on l'abat. Dans le rapport, on indique juste « tentative d'évasion ». Lors des interrogatoires à la baignoire, on attache les prisonniers sur une planche, puis on fait basculer la tête dans l'eau. La gégène, en Algérie, Pierre Alban Thomas l'a vu fonctionner, comme il le raconte dans les pages du Monde. Au début, en Indochine comme en Algérie, les militaires utilisaient la gégène, c'est-à-dire une génératrice de postes radio produisant un courant électrique de 80 volts. Par la suite, les inspecteurs utilisaient le courant du secteur. Dans la cave de la gendarmerie d'El Milia, ils ne s'embêtaient plus à tourner la manivelle. Ils se branchaient sur les 110 volts. Ils pinçaient une électrode à l'oreille et l'autre à la verge. Les résultats étaient terribles. Les hommes se révulsaient. Ils alternaient séances de torture et séances de gentillesse, proposant alors une boisson, des cigarettes, des bonbons. J'ai vu des hommes qui ne voulaient rien dire, ou seulement des choses fausses. D'autres qui se déballonnaient, voulaient arrêter la souffrance. J'étais horrifié. Je me disais, il faut que je voie pour qu'on puisse dire un jour, ça a existé. Je n'ai pas été courageux. Sinon, j'aurais hurlé mon dégoût. Je n'ai rien dit. J'ai subi. Comme le dit l'historienne Raphaël Branche dans sa thèse sur le sujet, la torture visait bien autre chose que la recherche de renseignements. Plus que faire parler, elle voulait faire entendre. Elle imprimait dans le corps, suppliciait la puissance du pouvoir qui contrôle le temps, l'espace et la douleur. Si elle n'était pas avouée par les autorités, la torture était une pratique connue des appelés, officiers, généraux et des plus hautes autorités de l'État. La fin justifie-t-elle les moyens? Beaucoup le pensaient, et le pensent encore au lendemain de la publication des souvenirs de ces soldats. Le 23 novembre, pour la première fois, un haut gradé reconnaît la torture et l'assassinat de 24 personnes. Son nom, Paul Ossarès. Le soir même, sur le plateau du 20h de France 2, les Français découvrent ce général de 82 ans, froid et droit, un pansement à l'œil gauche. Général Paul Ossarès, bonsoir. Vous étiez le coordinateur des services de renseignement à Alger en 1957. Vous avez participé à des actes de torture? Non. Mais vous avez participé à des exécutions sommaires? Oui. Vous avez exécuté combien de gens? J'en ai exécuté 24. Est-ce que vous avez des remords? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai procédé à de tels actes que dans le cas d'individus qui étaient reconnus comme ayant participé à des actes de terrorisme. Le général Massu n'a pas la même position que le général Bijard. Vous êtes plutôt proche du général Massu qui dit « faut le reconnaître et faut aller jusqu'à une forme de repentance » ou pas? Non, je ne suis pas en faveur d'une forme de repentance. Alors il faut passer l'éponge sur des milliers de victimes? À mon avis, il faut passer l'éponge. Et pas savoir reconnaître l'histoire? Je vous ai dit que j'avais été amené à pratiquer des exécutions sommaires dans le cas où j'ai eu affaire à des terroristes coupables d'actes qui avaient amené la mort d'innocents. Mais vous n'avez aucun regret? Je n'ai aucun regret. Si, j'ai des regrets, mais je n'ai pas de remords. De la vie de cet homme, à part ses crimes, on ne sait que peu de choses. Ancien résistant, héros de la France libre, membre des services spéciaux, il rejoint l'Algérie après avoir servi en Indochine. Décoré d'un lot de médailles et de la Légion d'honneur, sa vie a été pleine d'aventures et d'exploits. Sa retraite et sa vieillesse l'ennuient, alors il parle. Et il raconte à qui veut entendre ses souvenirs, sans excès ni remords. À la suite de ses aveux, la polémique prend de l'envergure. Débats, tribunes, témoignages noircissent jour après jour les pages de nos journaux, rappellent les faits, la chronologie des événements, les raisons ou non de la torture et son lent mais permanent retour dans les mémoires. À l'Assemblée nationale, un an après avoir reconnu officiellement le terme de guerre pour parler des événements d'Algérie, des députés communistes réclament une commission d'enquête. Dans l'armée, les confidences en pleine page de soldats et de généraux à la retraite dérangent. En décembre 2000, 300 d'entre eux qui ont servi en Algérie publient un manifeste dans lequel ils imputent les actes de torture et les crimes de guerre à quelques marginaux. Reprenant les mots de la propagande de l'époque, ils refusent qu'on limite l'action de l'armée en Algérie à ces quelques actes. Hasard de l'histoire, c'est durant ce mois de décembre que l'historienne Raphaël Branche soutient sa thèse sur l'armée et la torture durant la guerre d'Algérie. Dans ce travail, fruit de plusieurs années de recherche dans des archives publiques et privées, d'entretiens auprès de soldats et d'officiers, elle décrit la mécanique de la torture comme une pratique de l'arsenal répressif de l'armée française, utilisée y compris par des membres du contingent. Certes, la torture n'était pas systématique, mais sa pratique ne se limitait pas à un service, à un sévice ou une région. C'était une arme parmi d'autres utilisée par les militaires en Algérie, quel qu'il soit. Semaine après semaine, le nécessaire travail de vérité souhaité par le Premier ministre se poursuit. Mais l'État et ses représentants accepteront-ils d'emporter l'héritage? Visages, des visages, des figures, des figurants à effacer, des faces à des faces B, à pas feutrer, à trait des formes, altère, malentendu entre les tout, et c'est le fou qui était. Jamais du don des nus, j'ai douté des détails. Jamais du don des nus. Des décors, des scènes, des arènes hantées, hantées. Des visages, des figures, figurants, effacés, des faces A, des faces B, des faces A, des faces B, des faces A, des faces B. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui les tortures en Algérie et la polémique 40 ans après. Le 3 mai 2001, la torture pendant la guerre d'Algérie fait de nouveau la une. Six mois après avoir reconnu son usage et la mort de 24 prisonniers, Paul Ossarès fait de nouveau l'événement. Dans un livre intitulé « Services spéciaux Algérie 1955-1957 », il reconnaît l'exécution de Larbi Ben Hidi, l'une des grandes figures indépendantistes, et d'un avocat engagé auprès du FLN, Ali Boumendjel. Dès la publication des premiers extraits de l'ouvrage, la polémique reprend. L'historien Pierre Vidal-Naquet qualifie le livre de « mémoire d'un assassin ». Lionel Jospin expose sa totale condamnation morale des actes du général. Le président Jacques Chirac exprime, lui, son dégoût et demande des sanctions disciplinaires. Mais l'un comme l'autre refuse de rejeter la faute d'un homme sur l'ensemble du contingent, comme le confirme avec conviction le Premier ministre devant les députés. Ils n'ont pas à se sentir coupables, les officiers et les soldats de carrière, qui ont fait leur devoir avec honneur. Ceux qui ont accompli des actes barbares et inhumains, non conformes à l'honneur, doivent être stigmatisés. Tous ceux qui ont simplement fait leur devoir, qui ne doivent en rien être confondus avec les tortionnaires, eh bien, ceux-là, ils méritent seulement, 40 ans après, d'être salués. Je les salue. Après la condamnation publique, c'est devant la barre d'un tribunal que certains souhaitent désormais amener l'ancien général pour complicité d'apologie de crimes de guerre. Le 9 mai 2001, le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, dépose une plainte avec constitution de partie civile. Le 29 mai, la Fédération internationale des droits de l'homme fait de même auprès du procureur de Paris pour crimes contre l'humanité. D'autres plaintes de victimes suivront, dont celle de Josette Audin, Louisette Igli-Ariz et de la famille Ben Hidi. Comme lors des grands procès d'anciens fonctionnaires français coupables de crimes contre l'humanité durant l'occupation, des associations et des intellectuels s'interrogent sur les actions judiciaires possibles contre ces anciens soldats français. En 1997, le procès de Maurice Papon avait été l'occasion de revenir sur les événements à Paris durant la guerre d'Algérie et aussi sur la répression féroce de la manifestation du 11 octobre 1961. Alors, juger Ossarès ou non? Et d'ailleurs, pourquoi lui plutôt qu'un autre? En attendant que la justice prenne le relais, un autre général, Maurice Schmitt, est sommé de s'expliquer sur son passé algérien. Le 14 juin 2001, sur France 3, trois militants du FLN l'accusent, dont une ancienne poseuse de bombes, Malika Korish. Ils ont essayé de me faire la morale. Vous allez être lui mourir, vous êtes jeune et vous êtes belle, regarde comment elle est bronzée. Ils ont commencé à dire ça. Et finalement, quand ils ont vu que je n'ai rien dit, là ils m'ont déshabillé complètement. Et les gens m'écartaient complètement. ils ont placé les fils de fer un peu partout, comme ils veulent, des fois sur le vagin, des fois sur le bout du sein. Là, ils ont commencé à me torturer. On est interrogé par Schmitt et le capitaine, le Chaban, ils regardent, tous les trois, ils regardent. À la suite du reportage, le général Schmitt réagit à ces accusations qu'il récuse. Quelques jours plus tard, dans le cadre de l'émission Pièce à conviction, le passé de l'officier Schmitt n'est qu'un cas parmi d'autres. Appelé officier, bourreau et victime, raconte la torture quotidienne et les lieux qui ont gardé les traces de ces années sombres. Parmi eux, Jean-Pierre Crépin. Appelé dans les commandos de chasse, il se souvient d'un jour de septembre 1958. Un jour de marché dans ce village. Tous les hommes ont été parqués dans une fosse et ils sont tous passés un par un à la torture dans ce fameux hangar. Autant que puisse me souvenir, ça a bien duré une semaine. Le plus horrible, c'était pendant la nuit, là, dans les cris qui déchirent la nuit, les cris des tortionnaires aussi, qui sont en rage. Le matin, la remorque de la Jeep était pleine et ces corps-là étaient portés dans un ouet de là-haut, aux alentours. Un an après l'entretien de Louisette Ilirazis, la torture n'a pas encore quitté l'actualité. L'été passe et le 15 septembre 2001, le juge d'instruction refuse d'instruire les premières plaintes pour crimes contre l'humanité, considérant que les faits revendiqués par le général sont incontestablement constitutifs de crimes de guerre, oui, mais prescrits et amnistiés depuis la loi du 31 juillet 1968. En revanche, le procureur estime possible la poursuite du général pour apologie de crimes de guerre. Le 25 janvier 2002, devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, Paul Ossarès ainsi que la maison d'édition sont condamnés. Trois jours plus tôt, c'est à l'Assemblée nationale que le souvenir de la guerre d'Algérie est en débat. Le 23 janvier 2002, 204 députés de droite votent contre une proposition de loi qui fait de la date du 19 mars une journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie. Au sein de la classe politique, considérer les accords d'Évian comme marquant officiellement la fin de la guerre ne fait pas consensus. À côté des paroles des victimes de la torture, d'autres voix, d'autres blessés de cette guerre, demandent eux aussi l'attention des médias et un peu de lumière sur certains événements, dont ces semaines au lendemain du cessez-le-feu qui furent le théâtre ici et là de massacres parmi la population européenne et parmi les harkis. Ne trouvant ni les mots ni les dates pour se souvenir, c'est la presse, les maisons d'édition, la radio et la télé qui font du 40e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie un événement. Tout au long du printemps 2002, de nombreux ouvrages, mémoires et publications envahissent les librairies. En février, Envoyé spécial consacre un reportage au viol durant la guerre d'Algérie, où l'on peut entendre le témoignage d'Annick Castel-Paillé, une Française opposée à la guerre, arrêtée en juillet 1957. Elle aussi subira les tortures. Quelqu'un est entré, a plaqué un journal contre l'ampoule, et puis m'a menacé. J'ai essayé d'appeler, je savais que les CRS étaient contigus à la pièce dans laquelle je me trouvais. Il m'a menacé encore plus. Il m'a dit, il m'a empêché de continuer à crier. Il m'a dit que si je continuais, tous ses camarades viendraient les uns après les autres. Et puis j'étais d'une extrême faiblesse après. C'est presque 3 semaines passées dans cette horreur. Alors bêtement, je lui ai dit que j'étais mariée, que j'avais une petite fille. J'ai essayé, vraiment stupidement, d'essayer de faire en sorte qu'il ait un brin de conscience, de sentiment, comme si c'est, on pouvait arrêter ces gens. Quelques semaines plus tard, France 3 diffuse en prime time un documentaire de Patrick Rothman en 3 parties sur les violences et les crimes durant la guerre d'Algérie. C'est une suite de témoignages d'anciens appelés, officiers, harkis, qui sous l'uniforme français ont été pris dans l'engrenage de ce qu'on appelait la pacification. Pendant plus de 3 heures, on se replonge alors dans l'horreur de cette guerre, les violences des deux côtés, et on s'interroge. Qu'aurais-je fait face aux attentats? La peur était-elle plus forte que la raison? Comment expliquer que tant de soldats soient devenus, le temps d'une guerre, des tortionnaires? Ont-ils pu un jour revoir les maisons blanches d'Alger, les plaines d'Oran et les montagnes des Aurès, là où une partie de leur jeunesse s'est échappée? Le 2 mars 2003, 41 ans après les accords d'Évian, Jacques Chirac, l'ancien appelé d'Algérie, devenu président de la République, est le premier chef d'État français en visite officielle dans ce pays. Un voyage dont on garde en mémoire les bonnes foules du chef de l'État. Lui, comme ses successeurs, ont-ils trouvé les mots pour assumer pleinement l'héritage de la guerre d'Algérie, pour refermer les plaies et éteindre ces feux mal éteints? La part coloniale de notre histoire nationale est-elle encore un passé qui ne passe pas? Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les tortures en Algérie avec notre invitée Florence Bauger. Bonjour. Bonjour. Merci Florence d'être avec nous aujourd'hui. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes une ancienne plume du journal Le Monde. Et c'est vous qui êtes à l'origine de ce retour à la une de la torture en Algérie. Et vous racontez toute cette enquête dans un ouvrage intitulé « Algérie, une guerre sans gloire, histoire d'une enquête », ouvrage sorti en 2005, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, nous l'avons raconté dans le récit, vous tombez finalement sur, on va commencer par là, sur l'histoire de Louisette. Par hasard, comme souvent les bons journalistes d'ailleurs, tombent par hasard sur quelque chose, ils en font une bonne exploitation. Grâce à votre beau-père, je crois, racontez-nous comment ça s'est passé exactement. Quel était surtout votre but quand vous êtes parti à la recherche de cette femme? Est-ce que c'était parce que c'était une histoire humaine? Ou est-ce que vous aviez déjà, vous, la volonté de faire remonter à la surface cette affaire de la torture en Algérie? Non, pas du tout. Au départ, j'avais aucunement l'intention de faire remonter l'histoire de la torture, d'autant plus que je ne connaissais rien à la guerre d'Algérie. J'étais chargée du desk Maghreb au Monde, donc je passais mon temps entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Et en Algérie, ce qui m'a le plus frappée dès que j'ai commencé à y aller en janvier et février 2000, j'étais entrée au Monde en janvier 2000, ce qui m'a le plus frappée, c'est que le passé se mêlait sans arrêt au présent et qu'il m'était difficile de travailler sur l'époque présente, c'est-à-dire le lendemain de la guerre civile, le fils contre l'armée en Algérie, sans qu'on m'évoque toujours le passé. Ça revenait en permanence, qui s'était passé là, et on parlait toujours de la guerre et à chaque fois j'étais obligée de dire, mais quelle guerre? La première ou la deuxième? C'est vrai qu'il faut dire ça. Quand on dit la guerre d'Algérie en France, voilà. On pense immédiatement à la guerre des années 50 et 60. Mais enfin, il y en a une dans les années 90, hein, et faut pas l'oublier. les stigmates sont encore là dans l'Algérie d'aujourd'hui. Les stigmates sont encore là, indiscutablement. Mmh. Mais les stigmates sont encore plus profondes, je dirais, de la guerre d'indépendance pour les Algériens. Et les générations ont beau passer, ça se maintient. C'est un peu, si vous voulez, comme si c'était une sorte de maladie, de mal, de malédiction qui se transmettait qui se transmet encore aujourd'hui de génération en génération. Et quand j'entends Sarkozy dire les jeunes maintenant se fichent totalement de ce qui s'est passé, de ce qu'ont vécu leurs parents et tout, c'est faux. Parce que c'est comme une humiliation collective que leurs parents et leurs grands-parents leur ont transmis. Il y a un an, j'étais à Alger, à la Casbah, et je me souviens d'un vieil homme qui me disait, en parlant des soldats français, « Mais vous étiez là en bas. » Monsieur, j'y étais pas, moi, mais bien sûr. Mais voilà, quoi, il y a quelque chose encore. Le passé et le présent se mélangent. Donc, Louisette, au départ, c'était beaucoup plus pour rendre service à mon beau-père, qui lui-même était un ancien militaire qui avait été en poste à Alger. Et Louisette demandait que... on l'aide, que la famille Bauger l'aide à retrouver l'homme qui l'avait sauvé, alors qu'elle était aussi. Voilà. Alors ça, on l'a dit dans le récit, donc, pour votre valeur ajoutée, maintenant votre témoignage, vous la rencontrez, comment ça se passe? Qui est cette femme? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Comment ça se déroule? Écoutez, une femme fragile qui n'arrivait pas vraiment bien à parler, qui était nerveuse, qui se demandait jusqu'où elle pouvait aller dans la confession, c'est-à-dire de ce qu'elle avait subi. Et vous connaissez le travail de journaliste, il faut passer son temps à couper, recouper, et c'était extrêmement difficile. Donc pendant peut-être les 15 jours qu'ont duré mon séjour à Alger, où là je travaillais non pas sur la guerre, mais sur l'Algérie du jour, et j'avais des papiers à rendre périodiquement au journal, je rencontrais régulièrement Louisette. Je passais des coups de téléphone le soir dans ma chambre à tous les richos que je trouvais dans l'annuaire ou sur Internet. Et je n'avançais pas. Et un jour, je lui ai dit, écoute, la seule façon d'avoir une chance de retrouver ce commandant richot dont tu me parles, c'est que tu acceptes que je l'écrive dans Le Monde. Bien sûr. Et elle a été extrêmement réticente. Il a fallu plusieurs rencontres pour qu'à la fin, du bout des lèvres, elle dise oui. Et je devinais pourquoi, c'est qu'il était vraisemblable qu'elle avait été violée, elle ne voulait pas que ça se sache. Donc ça se situait aux alentours de mars ou avril 2000, et mon papier, je ne l'ai écrit qu'en juin. J'ai reculé sans arrêt, tellement je trouvais ça difficile à faire. Écrire un papier sur quelqu'un que vous connaissez, dont vous devinez qu'elle a été violée, qui ne veut pas que ça se sache. Et vous, dans cet article, vous parliez des généraux français dont on a parlé, nous aussi. Voilà. Hein. Alors, j'allais beaucoup, beaucoup plus loin qu'on n'avait jamais été. Je crois qu'Edoui Plenel a mis un peu peur. Hein, oh là là. Racontez-moi ça. Oui. C'est une sorte de presse aussi. Ah oui, c'est les coulisses. Les coulisses sont intéressantes. Donc, je mettais en cause nommément Massu et Bijard, en disant qu'ils étaient présents sur les lieux de torture. Non pas qu'ils torturaient eux-mêmes, mais qu'ils étaient présents. Donc, ils étaient non seulement au courant, mais qu'ils cautionnaient. Et dans le petit papier que j'ai fait, comme je l'avais signé d'Alger, je n'ai même pas eu l'idée d'intégrer Massu et Bijard dans mon papier. J'ai eu tort. Et quand je l'ai mis dans le système informatique du Monde, ce qu'on appelle le frigo ou le marbre, pour qu'il soit publié, j'étais persuadée qu'il allait être lu par des avocats, qu'on allait peut-être interroger Massu et Bijard. Mais je ne me doutais absolument pas que, l'ayant écrit le samedi, il allait être publié le lundi. Il a été publié le lundi. Et moi, ce jour-là, j'étais en congé. Prise de cours. Et il était à la une. Et là, c'était une tempête énorme pour laquelle l'AFP, mais France Info, je me souviens très bien, Nicolas Poincaré, beaucoup ont joué un rôle énorme en se mettant à la chasse du commandant Richaud pour le retrouver pour Louisette. Parce que si vous voulez, l'intérêt de cet article, si on peut dire, c'est que d'un côté, il y avait l'horreur, une femme qui disait « moi j'ai été torturée et j'ai été violée », mais de l'autre, il y avait aussi le bon côté des Français. Il y a un Français qui m'a sauvée, je voudrais le retrouver et lui dire merci. Bien sûr. Et c'est ce qui fait que le papier était touchant, je pense. Et quand vous lui annoncez qu'il est mort, comment elle réagit? Elle a pleuré. Et alors, je l'ai su qu'il était mort par le général Massu. Moi-même, je ne savais pas. C'est Massu qui m'a annoncé ça. C'est-à-dire que Massu avait été attentif à vos articles, il les avait considérés comme utiles. Si vous voulez, le 21 juin, le papier passe. Aussitôt, Bijard appelle Colombani, qui est à l'époque le patron du Monde, directeur, et lui dit « je vais vous poursuivre en justice et je vais vous mettre à terre ». Plenel était absolument vert parce que lui, c'était pas lui qui avait publié le papier à la Une du Monde, c'était un chef de service pendant le week-end. Et m'a littéralement fait la peau en me demandant comment j'avais pu passer un papier pareil sans donner la parole aux personnes incriminées. Ça a été très très violent entre nous et j'ai donné ma démission du Monde. Et ça, c'était donc en juin 2000, alors que j'étais entrée au journal en janvier, donc 6 mois plus tôt. Et là, je me souviens très bien, j'ai donné ma démission à Plenel en lui disant, écoute, je m'en vais, mais demain je repars en Algérie et des histoires comme Louisette, je vais t'en rapporter par centaines. Et là, Plenel m'a dit non, calmons-nous, ce que je te demande, c'est que tu vas aller interroger Massu et Bijard et leur démenti, ça sera ta punition. Et là, j'étais folle furieuse et à nouveau, on s'est engueulé. Et je suis remontée à mon bureau. J'avais pas le temps, puisqu'il nous fallait les interviews pour le lendemain, j'avais pas le temps d'aller voir Massu et Bijard. Donc je les ai appelés au téléphone. Mais là, j'ai enregistré les communications. Et Massu n'a pas démenti. Massu, non seulement n'a pas démenti, mais quand je lui ai dit « Savez-vous qui est le commandant Richaud ?» Il m'a dit « Mais bien sûr, c'était un de mes meilleurs amis, un humaniste, c'était le médecin-chef. » Oui, c'est ce qu'on a dit aussi. C'était un homme extraordinaire. « Voulez-vous que je mette votre ami en relation avec sa famille, puisque lui, Richaud, est mort il y a 2 ans ?» Alors, donc Massu, d'une certaine façon, m'a sauvé. Ouais. Vous comprenez ? Écoutez, oui, je comprends bien. Sinon, mon histoire était... Les chemins d'un article et d'une enquête sont parfois improbables. C'est ahurissant. Bon, alors, puisqu'on parle des généraux, on va s'arrêter sur le cas Haussarès, parce qu'on se souvient de lui, évidemment, de ses déclarations. C'était assez saisissant de l'entendre une nouvelle fois, là, il y a quelques minutes, absolument glaçant. Je pense qu'il était intimidé quand il était à la télévision. Il a été invité par Claude Sérion le soir même de ses premières déclarations dans Le Monde. Si vous voulez, Le Monde a joué un rôle énorme là-dedans. Et c'était surtout, je dirais, Edoui Plenel. Plenel menait la danse et me demandait de continuer à travailler là-dessus en estimant que c'était du devoir du journal. Et c'est là où on voit la force qu'avait autrefois, je ne sais pas encore aujourd'hui, mais qu'avait Le Monde. Et finalement, les radios et les télévisions nous aidaient parce qu'elles suivaient, elles accompagnaient le mouvement. Bien sûr, je me souviens, on attendait, comme souvent d'ailleurs, Le Monde à 14h, dans nos bureaux. Pendant plusieurs années. Et surtout là, bien voilà, sûr. Voilà, sur cette affaire de torture, ouais. Et on le doit vraiment à Plenel. Bien, alors, est-ce que Haussarès, vous l'avez rencontré ? Ah, bien sûr. Bien sûr. Haussarès, donc, pour cette première interview, est venu prendre des petits déjeuners avec moi. On était à ce moment-là rue Claude Bernard, une ou deux fois par semaine pendant 2 mois. Donc, non seulement j'ai beaucoup rencontré Haussarès, mais je le connaissais très bien. Et au journal, tout le monde ricanait un peu en me voyant, parce qu'il n'était pas connu à l'époque, en me voyant avec ce vieux monsieur à l'œil bandé qui venait à la cafétéria prendre des petits déjeuners avec moi. On se demandait qu'est-ce que je faisais. Et je me souviens très bien d'une consoeur qui me disait à chaque fois qu'elle me croisait, alors ça marche pour toi ? Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Haussarès, au-delà de ce qu'il nous dit ? Vous voyez ce que je signifiais ? Qu'est-ce qu'il nous dit de notre histoire, de l'armée française, de cette guerre. Écoutez, ce qu'il y a d'important, finalement, tout ça était su. On savait qu'il y avait des tortures, on savait qu'il y avait des exécutions sommaires. L'important de ces années-là, c'est pas ce qu'on a su, c'est qui l'a dit. Et qui l'a dit, là, ça a été Massu, qui l'a non seulement reconnu, mais regretté. Il l'avait déjà reconnu, mais du bout des lèvres, en disant, on les secoue un peu. Tandis que là, il l'a vraiment absolument reconnu, et je vous dis regretté, c'est énorme. Et Haussarès, jamais personne n'avait un homme de l'armée française revendiquant non seulement les exécutions sommaires, mais toutes les disparitions, les exécutions de nuit. Et il met ça d'ailleurs, mais ça dit c'est normal, hein, sur le pouvoir politique, donc le pouvoir civil. Oui. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, c'est l'armée est aux ordres du pouvoir civil. Massu, bon, voilà. Oui, mais Haussarès n'a jamais voulu se défausser sur le pouvoir civil. C'était très étonnant. Il y avait deux attitudes. Mmh. Celle d'Haussarès, c'était, si vous voulez, Haussarès n'était pas c'était un personnage incompréhensible, indéchiffrable, très cultivé. Je pense qu'il y avait comme une corde de sensibilité qui s'était cassée chez lui. Donc il n'était pas franchement cynique, il n'avait pas de sensibilité. Et une vie importait peu, la sienne comme celle des autres, surtout en période de guerre. Et je n'explique que comme ça. Mmh. Que comme ça. Et j'ai passé des heures avec Haussarès, des heures, parce que j'ai interviewé à 2 reprises, il a voulu que j'écrive son livre, j'ai refusé, évidemment, je ne me voyais pas passant des mois avec lui. Mais je me disais, écoutez, oui, c'est dur ce qu'il a à nous dire, mais on fait l'histoire avec lui. Donc ouais. il faut entendre ce qu'il reconnaît, revendique. C'est moi qu'on puisse dire, oui. Un témoin oui. Important. Lors de votre enquête, vous avez rencontré également, parce que vous avez rencontré beaucoup de monde, hein, Mohamed Garne, l'homme né d'un viol, hein, dont nous avons évoqué le cas dans le récit. On va écouter un extrait d'un entretien qu'il a donné à France 2, c'était en décembre 2000. C'est l'histoire d'une quête d'un orphelin d'Algérie à la recherche de ses parents. Sur l'acte de naissance de Mohamed Garne, le nom et le prénom de sa mère, Keira. Il la retrouve à Alger, c'était il y a 6 ans. Elle lui confie qu'il est né d'un viol par des militaires français. Elle lui raconte sa capture en 59, elle avait 14 ans et demi. Vous savez ce que c'est la peur d'une enfant sur un arbre en train de trembler, une guerre, des bombes qui tombent de l'autre côté, une enfant qui n'a rien à voir avec la guerre, et on l'attrape. Ma mère était une belle fille. C'était une enfant. Mais pourquoi l'avoir violée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Keira est séparée très vite de son enfant. Dans le camp de regroupement de civils, elle sert de bonne à tout faire, est maltraitée. Elle perd la raison. Mendiante, elle vit aujourd'hui dans un cimetière d'Alger. Voilà, son histoire est terrible. Hein. Vous l'avez rencontré également, parmi nous, cet homme. C'est moi qui l'ai révélé d'abord. En plus, avant, oui, c'est ça. Et puis l'Humanité aussi avait fait un papier sur lui. Et ça m'avait frappé parce que j'étais à la fête de l'Humanité pour accompagner Louisette en septembre 2000 ou 2001, je ne sais plus. Et il y a quelqu'un à un moment qui s'est levé et qui a dit, qui a pris le micro. Et il a prononcé quelques mots et il est parti. Et ces quelques mots, ça commençait par « Je suis français par le crime. Je suis né d'un viol collectif. » Et il est parti. Et ensuite, pendant tous les jours qui ont suivi, je n'ai eu de cesse que de le retrouver pour le faire parler. Et en effet, son témoignage était absolument accablant sur sa mère, sur ce qu'il avait vécu. Et lui, le traumatisme de ne jamais pouvoir faire reconnaître sa blessure à lui, puisque du côté de la justice française, où il voulait se faire reconnaître comme victime de guerre, on lui disait « vous n'êtes pas victime, vous êtes la conséquence », ce qui était quand même le comble, puisqu'il était né d'un viol collectif. Ouais. Et lui, ça a été une série de traumatismes, parce qu'il a eu un caractère évidemment difficile, abandonné par sa mère biologique à la naissance, ensuite adopté par une femme écrivain connue, Asia Djebar, ce que personne ne sait, mais lui le dit en privé, maintenant que Asia Djebar est décédée, je crois qu'on peut le dire, c'était donc Asia Djebar qui l'avait adopté, et il était tellement difficile que quand il avait 15 ans, elle l'a ramené à l'orphelinat. Donc, on imagine qu'il a porté des valises très lourdes. Oui, mais grave, il est passé d'une épreuve à une autre épreuve. Et ça lui a fait du bien, les journalistes ne sont pas des psys, ils peuvent être des psys de circonstances, juste en recueillant la parole. Ça fait du bien, la parole. Oui. Ça l'a libéré, la parole. Pas pour Mohamed Gharl. Un peu, parce que son histoire a été connue. Et surtout, ça a ouvert la porte. Enfin, ça a libéré la parole sur les affaires de viol. Parce que Keira Gharl... Voilà, j'allais vous le dire. Est-ce que c'est le dernier tabou de cette guerre, le viol? Bien sûr que c'est le dernier tabou. Ça l'est d'abord en Algérie. Louisette est la première à avoir osé, pour la première fois, dire le mot « j'ai été violée ». Mais ses sœurs de combat sont très, très, très réticentes. Elles me le disent toutes en tête à tête. Mais publiquement, jamais. Et même la famille de Louisette lui reproche de l'avoir dit. Les hommes de la famille, ils n'aiment pas ça. C'est considéré comme, comment vous dire, dégradant, impur. Et en France, si vous voulez, c'est quand même pas bien vu. Et je connais peu de militaires qui vont avouer qu'ils ont violé. J'en ai rencontré là encore beaucoup en privé, mais en public, ils ne le disent pas beaucoup. Or, vous pouvez vous dire que 9 femmes sur 10, j'ose vraiment le dire, 9 femmes sur 10 qui étaient arrêtées et interrogées étaient violées. Le viol fait partie, malheureusement, des armes de la guerre. Quand on a appris aussi que les Américains, libérateurs en 1944, avaient aussi, eux aussi, violé, en Normandie y compris, une population civile, évidemment, là on s'est aperçu que le viol, quelles que soient les armées, fait partie, hélas, des armes de guerre et donc des crimes de guerre, évidemment. Alors, parmi ceux qui parlent, il y a ceux qui parlent volontairement, puis il y a ceux qui sont obligés de parler. Parmi les hommes politiques, l'un a dû s'expliquer sur son passé en Algérie, c'est Jean-Marie Le Pen. Et je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage du 3 juin 2002 de France 2. C'était en février 57 dans la Casbah d'Alger. L'armée française fouille chaque maison à la recherche d'armes et de militants indépendantistes du FLN. Dans la nuit du 2 au 3, le lieutenant Le Pen est là. 4 témoins racontent aujourd'hui leur torture, comme Abdelkader Amour. Après avoir été électrocutés, ils ont alors pris l'eau sale des toilettes, raconte-t-il. Ils m'ont étalé une serpillière sur le visage et me l'ont fait avaler de force. Le Pen était assis sur moi, il tenait le chiffon pendant qu'un autre versait la flotte. Je l'entends encore qui criait « Vas-y, vas-y, t'arrêtes pas ». Des témoignages qui ne surprennent pas les historiens de la guerre d'Algérie. Je pense qu'ils sont vraisemblables, je n'ai pas mené l'enquête moi-même, mais ils ne contredisent en rien ce que l'on pouvait savoir depuis très longtemps des activités de Jean-Marie Le Pen pendant la guerre d'Algérie. En 62, il disait dans Combat, j'ai torturé parce qu'il fallait bien le faire. Voilà, la torture, crime de guerre, au même titre que le viol, crime de guerre. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre, là? Comment? Qu'est-ce que ça a d'étonnant? Ah, c'est étonnant, c'est toujours saisissant, quoi. Vous parlez des activités de Le Pen? Oui, se dire qu'il a pu être aux marges de l'Élysée et qu'il a été tortionnaire pendant la guerre d'Algérie. C'est ça, c'est saisissant. Ouais. Oui, absolument, absolument. Mais ça, j'ai pu le dénoncer, si vous voulez, grâce au Monde, entre les deux tours de l'élection présidentielle de, c'était 2002, je crois. Le Pen m'a immédiatement poursuivi, jusqu'en cassation, et à chaque fois, il a perdu. Parce qu'on a reconnu ma bonne foi, nous avions le droit de dire au lecteur qui était celui qui prétendait entrer à l'Élysée. Mais ça a été des années terribles, parce que Le Pen est un adversaire assez redoutable, qui a les lois d'amnistie qui interdisent absolument de dire ce qu'il a fait. Mmh. Et dans les éléments qui ont certainement joué en ma faveur au moment des deux procès que j'ai eus, c'était un poignard que j'ai rapporté d'Algérie, qu'il avait laissé 40 ans plus tôt, lors d'une de ses descentes dans la Casbah. Et sur le poignard était inscrit Jean-Marie Le Pen, J.M. Le Pen. Bien, alors, puisqu'on parle des hommes politiques, que pensez-vous de l'attitude des deux personnes qui gouvernaient la France au moment où la polémique est venue dans les années 2000, Lionel Jospin, Premier ministre, avec la réalité du pouvoir, hein, c'est en cohabitation, et Jacques Chirac, président de la République? Alors, Jacques Chirac, Lionel Jospin, je pourrais pas tellement m'étendre sur lui parce que je me souviens pas vraiment. Jacques Chirac a évolué. Mmh. Et à la fin, avant qu'il quitte le pouvoir, à la fin de son deuxième mandat, je savais qu'il était prêt à faire un geste. Mais quand je dis un geste, c'était vraiment une reconnaissance solennelle en allant à Alger de ce qui s'était passé. Non pas une repentance que les Algériens n'ont jamais réclamée, mais une reconnaissance des faits. C'est tout ce que demandent les Algériens. Et puis à ce moment-là, Bouteflika s'est lancé dans ce qui devait être son troisième mandat, je crois, et s'est emparé de ce thème de la guerre d'Algérie, des tortures et tout ça, comme un thème de campagne. Et là, sans s'en rendre compte, il a complètement figé, bloqué les choses. Chirac ne pouvait plus faire ce geste qui était déjà préparé et qui aurait été considérable, mais vraiment considérable, parce qu'il avait évolué en 7 ans. Et ça a tout figé. Donc je pense que c'est triste que le couvercle est refermé maintenant et qu'à mon avis, on en a pour longtemps avant qu'un geste soit à nouveau fait. Parce qu'une fenêtre comme celle des années 2000 ne se représentera pas de sitôt. Ça veut dire quoi? Qu'il faut attendre un changement de génération? Que n'y ait plus personne parmi nos responsables politiques aurait pu être concerné directement ou indirectement par un parent proche. Qu'il n'y ait plus personne parmi les hauts gradés de l'armée. Déjà, maintenant, oui, déjà. Massu est mort, Bijard est mort, mais le général Schmitt, l'ancien chef d'état-major des armées françaises, qui a été en charge de l'école Sarroui à Alger l'été 1957, il a quelques petites choses graves à se reprocher. Mmh. Et il aimerait pas trop que... Moi, je l'ai dévoilé dans les colonnes du Monde. Il a pas osé me poursuivre. Mais ça a fait un scandale, ça lui a gâché sa retraite dorée sur la Côte d'Azur. Et c'est une bonne chose, parce que c'est un vrai scandale, le général Schmitt. Après, il y a toujours ce débat, est-ce que la politique doit statuer sur l'histoire? Est-ce que les hommes politiques doivent statuer sur l'histoire, ou est-ce que c'est l'affaire des historiens? Écoutez, les historiens, ils ont déjà fait leur boulot. Donc il y a un stade où ce sont évidemment les politiques. Il restera toujours une tâche entre eux dans les relations franco-algériennes tant qu'on n'aura pas reconnu ce qu'on a fait. Et on peut pas éternellement renvoyer dos à dos les crimes de l'armée française et les crimes du FLN. Je ne minimise ni les uns ni les autres. Bien sûr. Je dis simplement que d'un côté, c'était une armée d'occupation avec des moyens. De l'autre, c'était des maquisards et qui luttaient avec les moyens du bord. Souvent criminels contre des civils, mais il faut bien savoir que toutes les élections étaient truquées à l'époque. Donc, quels moyens leur restait-il? Là, ça nous renvoie à cette belle formule de Philippe Labro, hein, des feux mal éteints. C'est encore des feux mal éteints. Merci infiniment, Florence Boget. Je rappelle le titre de votre livre, écrit il y a 10 ans, Algérie, une guerre sans gloire. C'est chez Calman Lévy, donc histoire d'une enquête. Alors, en plus de votre ouvrage, on peut conseiller aussi aux auditeurs sur le sujet le livre La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie de Raphaël Branche, on en a parlé. Mmh. La question d'Henri Allègue. Oui, et les ouvrages de Pierre Vidal-Naquet et de Benjamin Stora. Et puis aussi, alors l'excellent roman de Claude Coudert, sorti tout récemment chez Liv Édition. Il s'appelle, le titre dit tout d'ailleurs, nous renvoie à notre émission « Nous n'étions pas tous des salauds ». Comment Yann, un jeune infirmier qui se retrouve en Algérie en 1961 et 62, découvre les pratiques de la torture? Comment ne pas tomber dans l'engrenage? Grave question qui a dû assaillir tant de soldats et d'appeler en Algérie en ces temps troublés. Merci Florence Boget. Merci à vous. Au revoir. C'est